c'était notre dernier acte, se dire adieu. Qui je suis, qui sommes-nous? On n'en sait plus rien du tout. Qui je suis, qui sommes-nous? Il faut bien qu'on l'admette. Oui, ils vivent avec leur mère. Je garde les cris, l'amour gravé en moi toujours. Mais la chambre du premier prend la poussière. Les enfants m'ont déserté, il faut s'y